aussi donc, les concubinages entre les hommes italiens et les femmes africaines, appelées madamato, était un phénomène répandu dans les colonies italiennes de la Corne de l'Afrique. Mon travail se penche sur les cas éthiopiens, encore peu explorés. Le colonialisme italien en Afrique s'étend des années 1880 aux années 1940. Mussolini est au pouvoir entre 1922 et 1943. En 1890, l'Italie établit une colonie dans les territoires qui s'appellera désormais Érythrée. L'Italie commence à occuper la Somalie en 1889, la Libye en 1911 et occupe finalement l'Éthiopie de 1935 à 1941. Le colonialisme italien prend brusquement fin au moment de la défaite italienne dans la Seconde Guerre mondiale, d'où l'absence d'un processus de décolonisation. Dans les anciennes colonies italiennes, le souvenir du colonialisme reste vif. Au contraire, l'historiographie italienne d'après-guerre a tendance à exclure pendant 40 ans le colonialisme de l'histoire nationale. Le colonialisme préfasciste et le colonialisme fasciste partagent des caractéristiques de base qui sont la centralité factuelle et symbolique de la relation homme-blanc-femme noire, la transposition imaginaire de l'autre interne au pays, c'est-à-dire les paysans sans terre du sud de l'Italie, de la campagne italienne à l'Afrique coloniale, et la recherche d'une identité nationale qui ne se manifeste paradoxalement qu'en dehors des frontières nationales. L'élément érotique a toujours été très important pour le colonialisme italien. Durant le colonialisme, il existe une circulation répandue mais secrète des cartes postales montrant des beautés noires nues, et ce qui a un impact considérable à l'intérieur de l'Italie. Le colonialisme italien a toujours sous-entendu la possibilité de trouver en Afrique des femmes sexuellement disponibles. La propagande fasciste en particulier a essayé de décrire la Corne de l'Afrique comme une terre pleine de possibilités, également pleine de belles femmes. Les hommes italiens se sont nourris de ces images pour trouver la motivation de se battre dans la guerre italo-éthiopienne. La population italienne dans les colonies africaines est plutôt faible au début et les femmes sont toujours en minorité numérique. Vous allez trop vite. Donc, d'accord. La population, donc ça va durer plus de 20 minutes. Ça va durer une demi-heure. La population italienne dans les colonies africaines est plutôt faible au début et les femmes sont toujours en minorité numérique. En 1905, plus de 15 ans après la colonisation de l'Érythrée, seuls 2330 Italiens vivent sur les territoires, mais moins de 550 femmes blanches sont recensées. Le nombre d'Italiens dans la Corne augmente durant le fascisme, principalement grâce aux hommes qui participent à la guerre italo-éthiopienne, avec 330 000 soldats italiens et 100 000 civils travaillant pour l'armée en 1936. Presque la moitié des hommes sont jeunes et célibataires. Après l'occupation de l'Éthiopie et la création de l'Empire en 1936, le fascisme tente d'augmenter la population féminine italienne en Afrique et lance une campagne contre les unions mixtes et le métissage. Des cours de préparation à l'Empire pour les femmes italiennes sont mis en place. Le régime envoie également des prostituées italiennes dans les colonies. Malgré tout, la majorité de ces projets échouent et les femmes italiennes dans la Corne ne sont tout au plus que 10 000 vers la fin des années 30. Les sources coloniales révèlent que le concubinage entre les hommes italiens et les femmes africaines est plutôt courant dans la Corne depuis les débuts du colonialisme italien. Cette forme de concubinage est généralement appelée madamato ou madamismo par les Italiens, se référant ainsi à quelque chose qui n'est ni le mariage ni la prostitution. Les prostituées africaines sont généralement appelées charmoute, adaptation d'une expression arabe, tandis que les concubines sont appelées madame, déformation ironique du mot français madame. Les Italiens utilisent le terme Adamato uniquement pour se référer au territoire de l'accord, tandis que le terme Mabruchismo s'applique au concubinage moins répandu de la Libye coloniale. Il n'y a aucune recherche disponible sur les concubinages coloniales en Libye et en Somalie. Cependant, la littérature des fictions coloniales fournit quelques informations sur ces phénomènes et ces représentations. Les relations entre les Italiens et les Africains dans les colonies sont principalement marquées par une logique colonialiste, souvent, mais pas toujours. Les Italiens abandonnent leurs enfants et surtout leurs mères en Afrique. Le mariage devant une autorité italienne est extrêmement rare et celui-ci est souvent uniquement religieux et se déroule quand le partenaire est sur le point de mourir. Quelques mariages traditionnels ont lieu, mais les hommes italiens ont tendance à ne pas respecter les engagements que sous-étend ces mariages. Mais dans quelques cas rares mais significatifs, ces rencontres entre Africaines et Italiens se révèlent complexes et nuancées, impliquant des aspects émotionnels, matériels et juridiques d'une nature controversée. Dans l'Érythrée coloniale, les Italiens viennent des classes moyennes populaires. Le fait de vivre avec une madame ne caractérise pas une classe sociale en particulier. Avant l'instauration du fascisme, à l'époque où les Italiens se préparent à vivre de longues années en Érythrée, le concubinage colonial est généralement toléré par les autorités coloniales. Un exemple révélateur est le fonctionnaire colonial et prolifique ethnographe Alberto Pollera, qui a vécu avec deux madames et a eu plusieurs enfants qu'il a reconnus officiellement, juste avant de mourir en 1939, malgré l'interdiction officielle du fascisme. Pollera est marié religieusement avec sa seconde concubine, Guida Menelik, qui était probablement la principale informatrice de ses recherches semi-ethnographiques. D'après Pollera, le madamato, bien que n'étant pas une solution d'accouplement idéal, est inévitable pour ces jeunes Italiens qui vivent dans la corne de l'Afrique. Cette terre, considérée comme inappropriée pour les jeunes mariés italiennes, est habitée par des femmes abyssiniennes qui, grâce à leurs ancêtres sémites, sont censés d'accoupler facilement avec les hommes italiens. Les sources coloniales attestent de l'existence d'une forme locale de mariage temporaire dans la corne de l'Afrique, les damos, qui justifie implicitement l'usage et l'abus du concubinage colonial par les hommes italiens dans la colonie de la corne. Notez que les amarres et les tigrignas dans la corne possèdent des formes variées de mariages légitimes, les mariages religieux, les mariages par contrat civil et les mariages temporaires, généralement considérés comme inférieurs aux formes précédentes et qui impliquent que le mari paye un salaire à sa femme. Des sources variées soulignent qu'aujourd'hui, le mariage d'amos est en déclin, étant considéré comme plus proche de la prostitution que du mariage par les Éthiopiens. Mais Giulia Barrera soutient que le mariage d'amos a pu dégénérer de façon permanente en concubinage non réglementé ou en prostitution, précisément parce que les Italiens en ont abusé dans la période coloniale et ont systématiquement brisé les coutumes garants de ces mariages, ce qui signifie que des milliers de femmes érythréennes et leurs enfants ont été laissés sans soutien financier. Anne-Laure Stoller remarque que dans un contexte colonial, les rencontres sexuelles ne sont pas de simples affaires privées et isolées, mais servent de fondament à la réalisation des projets coloniaux. Dans toutes les colonies européennes, les relations entre les colonisateurs et les colonisés sont un problème politique clé et sont ainsi régulées par les autorités coloniales. Au début du colonialisme européen, les unions entre colonisateurs et colonisés sont généralement ignorées ou encouragées, mais plus tard, en général à partir des années 20, les relations mixtes sont progressivement découragées ou persécutées. Dans le cas italien, l'interdiction du concubinage colonial est particulièrement significative en tant que laboratoire d'un phénomène répandu de racisme et ségrégation d'État. Après avoir publié une première série de normes racistes contre les Italo-Africains, le fascisme interdit en 1937 le concubinage colonial entre les hommes italiens et les femmes africaines dans la Corne, ouvrant ainsi la voie en 1938 à une législation raciste plus vaste dans la métropole contre les Juifs, les Africains, les homosexuels et d'autres minorités. La législation raciste touche également ces individus soupçonnés d'avoir des relations trop étroites avec les membres des groupes victimes de ségrégation. Mais le madamato est un phénomène important dans les colonies italiennes de la Corne et il n'a jamais vraiment disparu, malgré l'interdiction venant de Rome. D'une manière ou de l'autre, cette forme de concubinage a survécu dans la région même après la fin du colonialisme italien. En considérant les cas éthiopiens impliquant le large effectif des soldats italiens au milieu des années 30, une courte occupation de 5 ans de l'Éthiopie et l'interdiction officielle du concubinage, au premier coup d'œil, nous pourrions penser que la prostitution plutôt que le concubinage aurait dû caractériser les relations hommes italiens, femmes africaines en Éthiopie. Pourtant, le madamato est un phénomène pertinent même en Éthiopie et la loi n'y est appliquée que partiellement. Même si certaines sources coloniales suggèrent que le madamato donne aux femmes concernées un prestige considérable dans leur propre société, Barrera soutient que pour de nombreuses femmes érythréennes, devenir une madame, c'est faire l'expérience d'une forme d'oppression, dans laquelle de nombreuses formes d'inégalité, de race, de genre, de classe se combinent. Néanmoins, même si quelques similitudes caractérisent le concubinage colonial entre Érythrée et Éthiopie, cette description ne couvre pas toutes les réalités de la condition des concubines éthiopiennes. À la fois en Érythrée et en Éthiopie, la femme est en premier lieu fréquemment utilisée comme domestique par l'homme italien et devient ensuite à sa concubine. Ces stratagèmes s'appliquent en particulier au cas éthiopien, puisqu'à partir de 1937, le concubinage est officiellement interdit. En Érythrée, les enfants issus de ces relations sont stigmatisés par la population locale. Au XXe siècle, pour de nombreuses raisons historiques, politiques et religieuses, les concubines éthiopiennes et leurs enfants italo-éthiopiens sont moins stigmatisés par la société locale qu'ils ne le sont en Érythrée. Cependant, une forme de stigmatisation envers les Italo-Éthiopiens et leurs mères se remarque également en Éthiopie, surtout dans les années 30 et 40. Les Italo-Érythréens se sentent souvent mal à l'aise avec les Érythréens et par conséquent ont tendance à voir des partenaires Italo-Érythréens ou Italiens. Les Italo-Érythréens non reconnus par leur père italien sont particulièrement stigmatisés par les Érythréens. Ici, je me réfère à la fois aux Italo-Érythréens nés pendant le colonialisme et ceux nés après. Dans des contextes qui reproduisent souvent la dynamique coloniale homme-femme. En effet, en ce qui concerne cette dynamique et les rapports homme-femme, à la fois en Érythrée et en Éthiopie, un certain degré de continuité entre les périodes coloniales et postcoloniales a tendance à se manifester. Mais pourquoi les Italo-Africains sont-ils moins stigmatisés en Éthiopie qu'en Érythrée? Les raisons sont nombreuses et principalement liées à la durée de la domination italienne, 60 ans en Érythrée, 5 ans en Éthiopie, à la présence plus marquée en Érythrée des missionnaires et institutions catholiques qui ont souvent pris soin de l'éducation de ces nombreux Italo-Érythréens non reconnus. Mais l'une des raisons pour laquelle les Italo-Éthiopiens sont moins stigmatisés en Éthiopie que les Italo-Érythréens en Érythrée est le rôle politique particulier et complexe que les concubines éthiopiennes ont eu en Éthiopie coloniale. Durant le colonialisme, les relations entre Italiens et Éthiopiens sont perçues par les Éthiopiens comme inappropriées à cause des différences religieuses. De plus, ces relations sont en cadre l'oppression de l'occupation fasciste en Éthiopie. Néanmoins, pendant jusqu'à la préoccupation, quelques familles acceptent le fait qu'une jeune fille ait un partenaire italien. Parfois, il est même exigé qu'elle bénéficie de telles relations en ayant accès à la modernité. À cette époque, même si la position officielle éthiopienne envers les Italiens est toujours très négative, dans la vie de tous les jours, les Éthiopiens apprécient souvent toutes ces histoires d'amour et le fait que tous les occupants italiens, généraux inclus, sont désireux de mélanger leur sang avec les Éthiopiens malgré les efforts fascistes pour interdire les unions mixtes. La position et l'agency des concubines éthiopiennes dans leur société est ainsi assez complexe. D'un côté, elles sont parfois considérées comme des espionnes et des traîtresses, puisque leurs fiancés ont quitté leur foyer pour se battre contre les occupants, les locaux accusent ces femmes de cohabiter avec l'ennemi. Mais en même temps, les concubines éthiopiennes sont également perçues comme les informatrices qui infiltrent les maisons des occupants et les partisans. Puis-je terminer ? Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la domination italienne, les retours d'Haïlé Selassie à Addis Abeba, des dizaines de jeunes fascistes italiennes, principalement des soldats issus des classes subalternes, restent ensablés en Éthiopie. Ils ne gardent pas des contacts avec leurs familles italiennes restées au pays. Ils continuent à vivre avec leurs concubines éthiopiennes pendant des années. Ils ne se marient pas formellement et généralement n'enregistrent pas légalement leurs enfants comme italiens. Il n'y a pas d'estimation fiable sur le nombre d'Italiens s'étant perdus dans l'Éthiopie d'après-guerre. Durant les entretiens enregistrés par Fabien Leroux dans les années 90, la majeure partie de ces ensablés ont déclaré que les femmes éthiopiennes étaient la raison principale pour laquelle ils sont restés en Éthiopie après la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, dans le même temps, beaucoup d'entre eux ont développé des sentiments très ambivalents à propos de leur relation. Aujourd'hui, à Addis Abeba, le mot d'argot un peu offensif, solato, est toujours utilisé pour définir les Italo-Éthiopiens de deuxième et troisième génération vivant dans les pays. Ce mot est une réinvention locale du mot italien soldato, soldat, révélant ainsi un souvenir persistant de l'occupation fasciste. Cet exemple révèle que les relations hommes-femmes durant le colonialisme italien ont marqué et marquent toujours la société éthiopienne. Cela nous incite à poser d'autres questions sur les rôles actifs des femmes éthiopiennes dans l'élaboration de ces souvenirs et sur la pénétration du concubinage colonial dans la société éthiopienne du XXe siècle. Merci beaucoup.